jase, l'on regarde passer les passants. Sur la place, chacun passe, chacun vient, chacun va. Cette petite qui semble vouloir nous parler. Voyez, voyez, elle tourne, elle hésite. Pas sans écor, il faut parler. Que cherchez-vous la belle? Je suis là, voilà. Mon brigadier, à moi s'appelle Don José. Le connaissez-vous? Don José, nous le connaissons tous. Prévôt, est-il avec vous, je vous prie. Il n'est pas brigadier dans notre compagnie. Alors il n'est pas là. Non, ma charmante, il n'est pas là, mais tout à l'heure il y sera, oui, tout à l'heure il y sera. Il y sera, quand la garde montante remplacera la garde dissonante. Il y sera, quand la garde montante remplacera la garde dissonante. Mais en attendant qu'il vienne, voulez-vous la belle enfant? Voulez-vous prendre la peine d'entrer chez nous un instant? Chez nous. Sans crainte mignonne, je vous promets qu'on aura pour votre chère personne tous les égards qu'il faudra. Passe-temps et...